Nouvelle scène nationale, l'émission, sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Bonjour Arthur Noziciel, vous êtes metteur en scène et nous allons parler d'un spectacle qui sera prochainement à l'affiche à la Nouvelle Scène Nationale de Cergy-Pontoise les jeudis 18 avril et vendredi 19 avril prochain, spectacle présenté au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Il s'agit de La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas fils sur une adaptation de Valérie Mregène. Alors, il est question, quand on connaît La Dame aux Camélias, le roman, il a été proposé quelque temps plus tard une adaptation pour le théâtre, mais il y a vraiment beaucoup de différences entre le roman et l'adaptation pour le théâtre proposée par Alexandre Dumas fils à l'époque. Il y a beaucoup de différences, mais la différence fondamentale, c'est la fin. C'est-à-dire que dans le roman, qui est d'une certaine façon une autobiographie déguisée de Alexandre Dumas, qui lui-même a vécu cette histoire avec cette femme qui s'appelait Alphonsine Duplessis. Et donc dans le roman La Dame aux Camélias, il raconte son histoire avec elle à un narrateur qui en fait le récit. Et dans la vraie vie, on va dire, comme dans le roman, en fait, à la fin de sa vie, Alphonsine Duplessis, qui est âgée de 23 ans, hein, qui est une très jeune fille, va mourir seule, abandonnée, lâchée par Alexandre Dumas ou Armand Duval, c'est le même, pour des raisons, on va dire, peut-être sociales, mondaines, entre autres, hein, en tout cas, va l'abandonner. Et puis elle va mourir seule, ruinée, dans un destin très tragique, que la pièce va tendre à réparer, c'est-à-dire que dans la pièce qu'on connaît, qui va donner aussi ensuite La Traviata à l'opéra, Armand arrive un peu in extremis et elle va mourir dans ses bras. Donc il y a une réconciliation, il y a des retrouvailles comme ça au moment de la mort qui ne se sont pas passées, qui ne se passent pas dans le roman, qui par ailleurs commence de manière très symbolique hein, par un déterrement, c'est-à-dire que Armand Duval, apprenant la mort de Marguerite, pour être convaincu de sa mort et pour se faire pardonner, veut la déterrer, la voir son corps pourri et la réenterrer ensuite dans une tombe, un mausolée à sa gloire, qui est celui qu'on connaît aujourd'hui au cimetière Montmartre. Donc on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus déchirant et dans le roman qui pointe davantage le poids du social et puis aussi l'activité prostitutionnelle de Marguerite Gauthier qui n'est pas évacuée dans la pièce mais embourgeoisée puisque dans la pièce Marguerite Gauthier a des grands fantasmes de mariage. Dans la presse qui a assisté à votre spectacle, l'une des critiques a noté la chose suivante. Arthur Noziciel livre une relecture subversive de ces deux textes, à la fois celui du roman et de cette première adaptation pour le théâtre, et dénonce l'instrumentalisation des femmes. Est-ce que les Inrecuptibles, pour ne pas les citer, ont vu juste dans votre travail? Ils avaient titré d'ailleurs leur article « Le mal des fleurs ». C'est joli. Je ne sais pas si on est dans un travail de dénonciation. Moi, je pense que le travail artistique n'est pas forcément un travail de dénonciation. C'est un travail d'engagement ou un travail de questionnement. Je pense que le temps et diverses mises en scène successives de La Dame aux Camélias l'ont transformée en une grande amoureuse. C'est-à-dire qu'il y a eu un déplacement, alors qu'en réalité, on a là une femme qui ne peut survivre qu'à travers une activité qui, enjolivée sous le doux nom de demi-mondaine ou de courtisane, relève quand même de la prostitution. Et je pense qu'il n'y a pas de prostitution qui ne vienne pas entamer l'intime, qui ne vienne pas atteindre quelque chose de profond chez l'être humain, et que ce n'est pas une activité anodine. Et on parle d'un temps qui n'est pas si loin, hein, où oui. Les femmes n'avaient d'autres moyens de survivre en dehors du mariage, et qu'elles soient blanchisseuses, cafetières, comédiennes à la Comédie Française, danseuses à l'opéra, la prostitution était un des seuls, sinon le seul moyen en dehors du mariage de survivre, et quand on n'était pas prostituée, en tout cas on essayait de se faire entretenir. Donc l'asservissement aux besoins masculins, on va dire, de femmes en grande fragilité par rapport à simplement le fait d'exister aux côtés des hommes dans la société telle qu'elle se construisait au milieu du 19e, a été les germes de ce que nous vivons aujourd'hui. Oui, et c'est ça que le spectacle raconte, peut-être en filigrane. D'autant plus que vous dites le temps n'est pas si loin, si en même temps certains seraient tentés de vous dire que ce temps existe toujours bel et bien, si l'hypocrisie, la morale bourgeoise qui réprime d'un côté la prostitution et en même temps qui l'établit pour son propre divertissement, on se dit qu'on n'est pas au siècle dernier. Absolument, puis c'est pas uniquement à son divertissement, c'est vraiment, il y a un truc quasi idéologique de construction même de l'identité masculine et de l'hétérosexualité qui va se fabriquer à ce moment-là. Et on va dire que toute virilité saine, en tout cas, ne peut être connue que si elle s'exprime au bordel et entre copains. Donc il y a quelque chose qui va se mettre en place là, qui est redoutable, et en plus qui est très institutionnalisé, puisqu'elle implique les services de santé, la préfecture, c'est le début du fichage, au prétexte de l'hygiène publique, puisqu'il fallait surveiller effectivement la syphilis. Donc on est dans un monde qui a fait de Paris... La ville de la prostitution au milieu du 19e et de la France, le centre rayonnant, on va dire, de la prostitution, avec ce que recouvre hein, vraiment ce terme de prostitution dans son acceptation la plus insupportable. L'héroïne Marguerite Gauthier est interprétée par Marie-Sophie Ferdan, une actrice qui donne une dimension tragique et non mélodramatique, ai-je lu. Le choix de cette actrice, d'ailleurs qui est saluée unanimement par la presse, certains ont dit d'elle qu'elle bouscule les codes de la féminité en particulier, elle interprète une dame puissante, héroïne sacrifiée plus que victime. Le choix de cette comédienne, de cette actrice ? Oui, on a voulu enlever le côté sacrificiel et victime de Marguerite Gauthier, qui en fait fait de son mieux et n'est pas. On voulait montrer qu'elle n'était pas dupe, et le texte le dit, hein, qu'elle n'est pas dupe de sa situation, mais qu'elle vit juste dans un temps où elle ne peut pas faire mieux et plus, et que peut-être dans le futur, les femmes auront plus d'espace pour exister et parler. Et en fait, je l'ai fait pour Marie-Sophie, ce spectacle, ou avec Marie-Sophie, c'est-à-dire que si elle n'avait pas voulu jouer ce rôle et ce spectacle, je l'aurais probablement pas fait. Nous sortions d'une création commune qui était La Mouette, qu'on avait créée au Festival d'Avignon à la Cour d'honneur en 2012. Et la regardant, je me dis que ce serait formidable de reprendre la Dame aux Camélias, de s'intéresser à la Dame aux Camélias avec elle, parce que c'est une actrice qui a une telle profondeur et une telle intelligence qu'elle peut emmener le rôle à un endroit justement non pas de soumission mais de puissance et de lui donner un rôle épique, un rôle de l'inscrire dans quelque chose qui relève davantage de la légende que de la psychologie, voilà, proche du mythe en fait. Parce qu'elle est puissante, parce qu'elle est tragique, parce qu'elle est habitée, parce que Marie c'est Marie mais c'est aussi elle est traversée par les fantômes de toutes les Marie Duplessis et de toutes ces femmes. C'est une actrice qui est sans narcissisme, sans ego, mal placée, qui donc peut prendre une parole et investir une parole pour toutes ses sœurs, j'ai envie de dire, et pas juste pour montrer une énième interprétation de Marguerite Gauthier. Dans votre mise en scène, on parle d'un parti pris qui est celui de chercher à révéler la dimension politique qui est dissimulée derrière ce drame amoureux, voire cette tragédie. En fait, il se révèle tout seul, c'est-à-dire que si on enlève un peu les voiles qui ont les tout ce qui s'est un peu accumulé sur la Dame aux Camélias, et aussi peut-être parce qu'il y a eu beaucoup, on a plus en tête, je pense, l'esthétique parfois un peu kitsch de la Traviata, ou peut-être qu'on oublie ce que ça dit exactement, et que mon travail est de faire entendre et de révéler non pas ce qu'il y a derrière, mais ce que disent vraiment les choses en fait. Et quand on les dénude comme ça de tout ce dont on a voulu les habiller pendant des années, et qu'on revient à l'os du texte, mais ce qu'on entend est quand même extrêmement direct, extrêmement clair, et bien que la langue soit une langue du 19e, elle nous parvient quand même fortement, et le discours de Marguerite Gauthier ou du père d'Armand dans le spectacle, qui vient du roman, sont extrêmement clairs sur les enjeux qui sont ceux de la pièce, et c'est bien pour des raisons, on va dire, politiques et sociales, qu'on demande à Marguerite Gauthier de quitter Armand. Sur ce spectacle, quelques mots concernant le décor, un décor particulier, plateau rouge sang, découpé en format panoramique, avec en fond un large mur sur lequel sont projetées des vidéos, c'est cela ? Oui. Et puis il y a d'autres choses, il y a pas mal d'autres choses, mais oui. C'est la base, oui, c'est l'écran, on va dire. Mais l'idée était d'avoir un espace assez fort, aussi assez puissant, qui ne soit pas juste une reconstitution d'un salon 19e, mais qui évoque autre chose, en l'occurrence là, quelque chose qui relève du purgatoire, d'un endroit d'attente entre la vie et la mort, comme si à quelques secondes de la mort de Marguerite, le spectateur, tout comme elle, était retraversé par quelque chose de l'histoire de sa vie. Et ouais, on est dans cet endroit qui est à la fois le lieu d'attente entre la vie et la mort, mais comme peut-être le salon d'attente dans le contexte d'une maison close aussi. Hein. L'attente, c'est vraiment quelque chose qui raconte assez bien la mélancolie liée à la prostitution, ce moment d'épuisement, d'attente, d'entre-deux, que des gens comme Lautrec ont si bien représenté. Voilà, c'est un espace, on va dire, purgatorial, un espace de à la fois de mystère et de d'alanguissement. À l'occasion d'une autre interview, vous avez dit la chose suivante: « Naviguer entre le roman et la pièce me donne la liberté d'inventer une autre dimension où pourrait se dérouler l'action. » Là où je veux en revenir, c'est une action qui dure sur scène aux alentours de 2h45. Ouais. Cette temporalité, elle s'écoule sans difficulté? J'espère. L'idée n'est pas de faire souffrir le spectateur et de s'ennuyer. Après, c'est des spectacles qui imposent leur temporalité. Oui, c'est-à-dire que je pense que les deux tiers de mes spectacles arrivent à peu près à 2h40, ce qui doit correspondre à quelque chose d'un peu organique chez moi, mais j'en ai fait des plus courts, j'en ai fait des plus longs. Je crois que c'est vraiment le spectacle qui impose sa durée. Et je pense aussi, dans la volonté de faire ce spectacle sans entracte, c'est de placer le spectateur qui se laisse aller, évidemment, à la proposition, à quelque chose du temps qui produit au bout d'un moment l'émotion qui est sous-jacente dans le spectacle. Et je pense que si le spectacle n'avait duré qu'une heure et demie, le spectateur resterait à distance comme s'il contemplait un joli objet, alors que sur la durée, à un moment, l'implication du spectateur, le fait de voyager aussi bien dans le temps que dans l'espace finalement avec les acteurs et l'histoire qui est racontée, les implique en fait plus ou moins, je dirais plutôt plus que moins, et fait que au bout d'un moment, ce temps passé avec cette femme rend peut-être sa mort plus poignante parce qu'on a eu le temps justement de vivre avec elle, de vibrer avec elle, on a eu le temps de l'entendre, de la connaître, de la rencontrer et finalement de l'accompagner. Et je pense que la durée est un élément très important dans la réussite du spectacle pour le coup. Autre indication à destination du public, c'est un spectacle qui est déconseillé aux moins de 16 ans. Pourquoi ? Oui, c'était un petit peu en préventif. On est dans une période qui est devenue très pudibonde. Il y a un objet, on va dire, d'une représentation assez phallique qui est parfois sur le plateau. Donc c'était pour prévenir les cas de plaintes éventuelles de parents, de lycéens. On m'avait conseillé de faire ça. Bon, je pense qu'ils en voient beaucoup d'autres à part ça, mais comme le sujet était autour de la sexualité, de la prostitution, qu'il y avait cet objet, cette sculpture, qui est par ailleurs la sculpture d'un artiste, hein, qui n'est pas un délire de notre part, des gens avaient préféré prendre ces précautions-là, qui en général étonnent. Hein, les gens se demandent bien pourquoi il y a ça qui est écrit, mais c'est l'époque qui le demande, on va dire. Voilà. Juste avant de conclure, je voudrais partager avec vous un article, petit article de presse qui parle de votre spectacle sous la plume de Philippe Chevigny des Échos et qui a dit la chose suivante qui, à mon avis, est un bon conseil pour ceux et celles qui vont ou qui hésitent peut-être à aller voir ce spectacle. Ce voyage inédit pourra paraître long et bien étrange à certains. Après quelques minutes d'acclimatation, il nous a totalement embarqués pour nous laisser à l'arrivée le cœur en pagaille et la tête pleine de pétales de camélia. Ah, c'est très beau. C'est joliment écrit. Ouais. Et je pense que ça décrit bien effectivement ce rapport particulier à votre spectacle. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai qu'on est dans une époque où on a envie que tout aille vite. Les gens sont très très impatients. Et plus on se rapproche de Paris, plus les gens sont impatients. Ben oui, mais une œuvre, elle se découvre. Il faut lâcher la garde. Il faut lâcher prise un peu. Il faut faire un petit effort pour se donner aussi les moyens, la possibilité d'accéder à quelque chose qui relève du cœur, de l'humain, du sensible. On voit bien aujourd'hui hein, comment la brutalité de l'expression, le jugement à leur porte-pièce, l'impossibilité de discuter, d'accepter un tout petit peu ou la différence, ou l'étrangeté. Faut reconquérir cet espace de liberté qui nous est donné à tous et à toutes, de s'abandonner à quelque chose et de suivre quand même ce qu'on nous propose. Le spectacle propose ça et c'est vrai qu'il y a quelques résistances, hein, bien sûr, mais par rapport à ce qu'est la proposition, je suis même très très étonné par le succès et l'enthousiasme que ce spectacle produit et provoque, ce qui est dans le fond assez rassurant. Merci à vous Arthur Nosiciel. Je rappelle ce spectacle La Dame aux Camélias à l'affiche les jeudis 18 avril 19h30, vendredi 19 avril 20h30 au Théâtre des Louvrets à Pontoise. C'est sur Cergy Pontoise. Merci beaucoup. Merci à vous.